À l'occasion de la Journée du Soleil, les représentants diplomatiques et des institutions internationales, les attachés militaires en Corée, les délégations des partis de divers pays, les délégations et les délégués des organisations d'études et de justice, les participants au 19e Floralie de Kim Il-sung, les groupes de félicitations des Coréens résidents au Japon et de l'Association générale des Coréens en Chine pour célébrer la Journée du Soleil, les familles des compatriotes coréens d'outre-mer ayant les liens avec les grands leaders, les autres étrangers et les compatriotes coréens de la diaspora ont visité le 15 avril le Palais du Soleil de Gumsusan pour formuler leur hommage sublime au président Kim Il-sung et au général Kim Jong-il. Le même jour, le représentant et les membres de la filiale à Pyongyang du Front démocratique national anti-impérialiste ont aussi visité le Palais du Soleil de Gumsusan pour rendre hommage au grand leader.